maintenant sous tension. Les foyers isolés sont en panique. L'équipement va brûler et filer électrique. Les psychopathes traînent dans le jardin. Jardin, œil sur tes gamins. Ça s'équipe comme des guerriers. Mec, ça regroupe des armées. Si tu lâches pas ton bigot, tu te fais planter. Si t'as des sous, tu te feras séquestrer. Sur l'autoroute, c'est brûlant. Connais-tu les fous du volant? Ça tape des rodéos sur le freeway. Avec des voitures d'occas trafiquées. Jeep, une masse de blé. Jeep, une masse de blé. Jeep, une masse de blé. Jeep, une masse de blé. Pistolet, taser, fusil pompon. Ça se barricade dans les maisons. Peur du viol et des agressions. La ville est maintenant sous tension. Les foyers isolés sont en panique. Équipement pas brûlé et fil électrique. Les psychopathes traînent dans le jardin. Jardin, œil sur tes gamins. Ça s'équipe comme des guerriers. Mec, ça regroupe des armées. Si tu lâches pas ton bigot, tu te fais planter. Si t'as des sous, tu te feras séquestrer.